Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté l'usine du générateur d'oxygène de Lawon du complexe mécanique du même nom. Il a examiné des générateurs d'oxygène fabriqués dans cette usine et encouragé les ouvriers. La réunion consultative a pris des mesures pour la production des générateurs d'oxygène nécessaires au domaine sanitaire dans un court laps de temps. Ensuite, il s'est enquis des affaires de l'Institut de sériciculture de l'Académie des sciences agronomiques. Précédemment, il a fait le tour de la 27e exposition nationale des articles de consommation courante et souligné d'améliorer la qualité des produits et produire beaucoup d'articles de consommation courante recherchés.